Léo Vigati, l'amour est une pièce de théâtre dans laquelle chacun joue son rôle puis disparaît. Mais le cœur, le mien, ne veut pas que Zia soit un alizé passager. Soso appelle Kessou, c'est la note de Lwemba. Côté, côté, voyez tout qui s'en m'en bat pour. Côté, côté, ça va sous, sous, banda, quoi, banda, banda. Aïe, na linga.